Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Pour toi toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oh bébé, bébé, bébé, je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé. Brigitte Bardot, bravo. Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bejo, Bejo, là dentro do cinéma tout le monde s'appauve. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bejo, Bejo, là dentro do cinéma tout le monde s'appauve. Ay bébé, bébé, bébé, por qui est que tout le monde olha tanto pra você? Será Pelopé? Não é. Será o nariz? Não é. Será tornozelo? Não é. Será cotovelo? Não é. Você que boa, que mulher, me diga então por que é? Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi, Brigitte Bardot, Bardot. Ay, Brigitte Bardot, bravo. Pour toi toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oh bébé, bébé, bébé, je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé. Brigitte Bardot, bravo. Brigitte Bardot, bravo. Brigitte Bardot, bravo. Brigitte Bardot, bravo. Attention, nous, l'inspiration, là, à quel endroit on doit descendre? On demanderait, si elle veut bien, descendre, parce que c'est son travail actuellement, là, pendant presque 2 heures. Descendez vers le bas, et on va demander à Rita si on peut, est-ce qu'on peut te déplacer? Bien là, je suis pas encore prête. On va la déplacer. Elle n'est pas prête, mais on la déplace. On la déplace juste en arrière de moi. Et lorsqu'elle rira, elle aura des spasmes. Donc, ça me créera du vent. Créerais-tu, créerais pas. Quelque part en Alaska, il y a Brigitte qui s'ennuie en maudit. La semaine, il y a quelques semaines, pas la semaine dernière, mais il y a quelques semaines. Attention. Le public a trouvé très intéressant le fait que j'utilise 5 mots dans le dictionnaire Robert. Robert, Robert, Robert, Robert. Il fait noir, hein? Robert. Il y a de la, comment t'appelles ça, de l'herbe tendre. Avoir le cul tout nu et sans défense devant l'herbe blanche dans le coin du ciel bleu. J'avais le cul exclu et sans décence devant les baisers tendres quand j'étais amoureux. Et j'avais dit de l'eau. Bienvenue à la 2000e de l'émission. Là, c'est rendu flatulence. On m'a changé ma couche. J'ai demandé, placez-moi dans ma chaise roulante la plus roulante. Placez-moi sur le maximum. Ouais. Après 2 heures, il m'enlève le dentier, fait que je peux plus continuer. Voilà, là, hein? M'arracheuse anginale lectaire, c'était moi, ça. Ah, oh, j'ai fait un grand film, Le silence des Manus. T'es témoin de Gémanus. Gémanus Passepus. Gémanus Passepus. Hein? Ben. OK. Mais là, je disais. Oh. C'est excellent, merci, je vous embrasse. Bon. D'accord. Alors, la semaine, il y a quelques semaines, pas la semaine dernière, enlève-moi ça. Bon, la semaine dernière, il y a quelques semaines. Arrête de dire la semaine dernière, ouais, mais je croyais que c'était la semaine dernière, moi, là. Ma mémoire se regarde dans le miroir, puis elle se dit, ah, oh, que je suis belle, ah, oh, que je suis brillante, ah, mémoire, mémoire, dis-moi qui est le plus coco. Hein, il y a quelques semaines, bah, dis-le, oui, j'ai pris 5 mots dans le dictionnaire, et pendant mon improvisation du début, je pense, ou dans le milieu, non, c'était à la fin. Ah, non, mais je suis pas endormi là-dessus. Ah, excusez-moi, public, c'est à ce moment, on a passé de la musique, puis je croyais que c'était, ah, oh, puis je ronfle, hein, ah. Oh. Vous avez pris des courantes. 2 grippettes. Oh, laitue mayonnaise. Bon, mayonnaise végétale, animale, poissonnière. Mais, ben, vous savez qu'il y a de la mayonnaise animale, là. Ben, du poulet, c'est quoi? C'est ouais, c'est plus... Sans les plumes, moi, là. Ben, je vais en parler tout à l'heure. J'ai un thé. Je fais de la poudre. Je suis un cri. Hey, mon... Bon, alors on va choisir dans le dictionnaire Robert du mois de... c'est pas du mois, c'est de l'année. Ah, oh, je pensais qu'il sortait un dictionnaire à chaque mois. T'es un malade! Merci. Ça fait des maudites bonnes émissions, par contre. Ah, en quelle année ce dictionnaire-là? Donc, si je t'aime, ça donne des questions. C'est le 11. Non, c'est dans le 11e arrondissement, rue Parmentier. Il faudrait que je leur dise d'oublier de mettre mon nom dans le dictionnaire. Ah, oh, je suis très, très tombe, là. Moi, humilité comme ça, là. Ou je leur demanderai une page pleine, histoire de ouais, l'arracher pour mes mains. Parce qu'on met juste un petit papier cul, moi, dans mon hospice. Je préfère des belles feuilles, moi. Belles feuilles de dictionnaire. Taille RNA, ça doit bien essuyer. Ah, bon, 1977. Qu'est-ce qui s'est passé en 77, Rita? Moi, j'avais 10 ans. Pour les yeux d'une dame. Oh, ouais, t'avais tes aventures avec des dames déjà, toi, là. Bon, 10 mots, 5 mots, pas 10, 5 mots d'ouverture, et puis je vais les utiliser pendant mon impro. Chevalerie. Oh, taverne, chevalerie. Dans les crayons, papier. Chevalerie. Chevalerie. OK. Ensuite, j'ouvre une autre page qui est couler. Bon, c'est assez facile, là. Couler. J'écris tellement mal, je suis jamais capable de me relire. Oh, c'est long, ça, ce mot-là. Je vais aller à autre page avant. C'est quand même dire. Oh, hey, c'est quand même assez l'explication de dire, là. Dans le dictionnaire, c'est pas facile, là. Ensuite de ça. Ah non, prenez un café pendant ce temps-là. Oh, expressionnisme. Oh, oh, oh. Expressionnisme. Nisme. Ça, c'est comme... ouais, c'est comme ça. Ouais, bah. Dernier mot, c'est... Oh, niaise. Qu'est-ce que ça veut dire, niaise? Attends un peu, là. Roche métamorphique composée de... Bon. Ah, de quartz. Bon, on ne prendra pas celui-là. C'est quand même une spécialité, madame. Est-ce qu'on peut la retirer? Ouais, mais c'est pas dans le but, là. Vous trichez déjà? Bon, on triche pas, mais là, bon, je peux pas mettre ça là-dedans, là. Notre public est déjà mêlé de même, là. On leur dit bonjour, hein, c'est pas le jour, c'est le soir, c'est la nuit. Ah, ah, il est quelle heure? As-tu avancé ton heure? Ah, ah. Le mot. Incisé. Un qui? Incisé. Bon, alors je redis. Chevalerie. Couler. Dire. Expressionnisme et incisé. Alors, comment ça va, vous autres? Ah, moi, ça va très bien. Bon. Ben là, ça m'impressionne pas, là. Vous faites pas partie d'expressionnisme allemand, là. Ah, mais moi, non, c'est expressionnisme québécois. OK, on a dit expressionniste. Oh, comment ça? Ben, parce que je me suis comme calqué. Oh! Calqué sur l'Allemagne. Et puis, donc, j'ai dit, comme nous sommes un peuple, nous sommes un pays, créons-nous un mode, une modalité artistique, une façon de voir l'art qui pourrait être pour nous singulière, exceptionnelle et amener l'intérêt du monde entier, l'expressionnisme québécois. Qu'est-ce que vous voulez inciser par là? Non, vous incisez? Ben, moi, j'incise que... Oui. Jamais je pourrais dire l'inverse, moi, là. Parce que ce serait comme certains politiciens, là. Puis je suis pas dans ce milieu-là, moi. On dit que tout est politique, mais quand je suis devant une lumière rouge, moi, je traverse. Quand la lumière est verte, j'arrête. Quand il y a le petit piéton, là, j'arrête. Et quand il y a la main, je continue. Là, hey, avant-hier, je descends la première avenue. J'étais à Québec. Et là, je décide de traverser sur la main rouge qui me dit « Arrête, man! Hey, il y a le crotté, arrête! Tu passes pas, il n'y a pas le piéton! » Et puis moi, il était 2h15 ce matin, là, je me préparais à faire mon émission, là, j'étais dedans, là, t'es dedans! Oh yeah, t'es-tu dedans, Jean-Pierre? Je suis dedans! Oh yeah! Je suis dedans, juste tout dedans, dedans, encore dedans, je suis dedans, pas dedans, et je traverse! Et la chevalerie était là. Non, c'est la cavalerie. Non, mais c'était la chevalerie militaire. Deuxième pompe, hey, avec des mitraillettes. Monsieur Gagné! Je commençais qu'ils savent mon nom, là. Hey, je me suis rendu compte que j'avais le gaminet de CKRL. Gaminet. T-shirt. Parce que c'est français, là, le gaminet. J'essaie de trouver des mots, là, pour éduquer le micro qui est devant moi. Mon Shure SM58. Est-ce que c'est un Shure SM58? Attends un petit peu. SM58. J'essaye de l'inculquer, moi, là. Puis en plus, je l'enlève, je le mets. Je sais ce que je veux avec ça, moi. Ah, il est dompté. Tranquille, au pied. Au pied de micro, toi. Fais la belle. Chante pas au Canada. Chante du pays. Vas-y, vas-y, vas-y. Comment ça, il va chanter Chante du pays? Il chante. On n'entend rien. Mais non, il chante. Mais il est malade, lui. C'est quand... Il va couler dans l'intégrité intellectuelle. Comment? Couler, couler, couler! Chevalerie a été dit! Nous allons le dire! Le dire a été dit! Ainsi, tous les mots ont été dit! Oh yeah! Oh monsieur, c'est peut-être tiré par les cheveux. OK, on y va. On va se faire une coupe de cheveux tirée par les cheveux. Enlevez-moi 2 pouces de racines, s'il vous plaît. Alors là, vous êtes obligé de couper, hein? Pas couper le cheveu, mais couper la calotte, c'est ça, pour enlever les racines, hein? Et je vous en crie des problèmes. Ben, moi, je suis pas un médecin, moi, là, moi, je suis un coiffeur, je ne fais que coiffer. Ben, décoiffez-moi, là. Scalpez-moi, coupez-moi ça par rond. Là, à froid, là, pas d'anesthésie générale, je veux souffrir. T'es malade? Souffrir. Mais si on vous tire les cheveux, ah, oh, non, non, hein, êtes-vous cinglé? Bande de minus pépus. Pépus, pépus, oui. Pépus s'en va t'asseoir, s'en va t'avec Marie. Marie, ta vie sans moi, y'a vite, je me suis. Que fait un homme pacifiste dans un excès de violence? Il fend l'air. C'est bon, comment? Hey, tu pourrais travailler dans des films, faire du doublage. Oh, moi, écoute, à l'école, j'en ai fait du doublage. Ah, j'ai doublé ma 2e année, ma 3e année, ma 4e année, ma 5e. Là, j'ai dit, là, j'ai quand même un record. Je vais tripler ma 6e. J'avais 28 ans, j'étais avec des élèves de 12, 13 ans. Et les filles étaient après moi. Oh, presse-moi de l'argent, t'es tellement cool! Je dis, arrêtez-vous, mademoiselle. Je suis pas je suis pas dans ce milieu-là, moi. Attaquez-vous aux enfants de votre âge. Ben oui, mais t'es à la même école que moi, même classe, t'es à côté de moi. Pite, là. Pis, ben oui, je sais, mais. Dans les années 20, là, un homme de 40 ans pouvait marier une fille de 12 ans, il n'y avait pas de problème. Mais là, en 2013, on ne peut pas faire ça, là. Tout le monde est là avec les droits, là. Ça, c'est les droits des mesures de bière. 3 bières par jour. Éloigne la cardiologie pour toujours. 12 bières par année. Nous ramène à notre propre identité. Bon, yeah. Donc, on va vous... OK, oui, c'est ici. La modération a bien meilleur goût, mais le goût n'a pas de modération. Bon, c'est excellent, ça. Poème à manger ou à pétrir? Flamme, ma sœur flamme, ma seule flamme. Oui, mais c'est comme redondant. Non, c'est pas comme. C'est pas comme, c'est pas redondant, c'est un poème. Si tu n'as pas la capacité intellectuelle, si tu n'as pas les clés de la compréhension mentale et linguistique et métaphorique, C'est-tu de ma faute, moi? Retourne à l'école, ouvre-toi un livre, fais quelque chose de ton existence, espèce d'hurluberlu, le perle sucre qui lui a répondu avec la même Michel, votre chat n'est pas perdu. Hein? Excusez-moi, j'ai eu un spasme intellectuel. Flamme! Non, il y a tellement de cinglés dans notre société, madame. J'en reviens pas, moi. J'ai demandé une pizza avant-hier, là. T'as s'en pose des choses avant-hier? Ah, moi, toute ma vie, c'est avant-hier. Hier, d'abord, ça vous trouble-tu encore avant-hier? Bien, il y a-tu 36 heures avant-hier? Moi, il y a 72 heures avant-hier. Avant-hier, j'étais dans l'itière, puis je mangeais des granules. Ah, quelle belle activité. Là, je séparais les granules de la saleté. Voyons. Hey, Félix! Ça, c'est ma chatte, je l'appelle Félix parce qu'elle veut se faire opérer. Félix! Semble que t'as été un peu fort, là, sur la... Hein? Avez-vous mangé dans des... dans les restaurants de mer rapide? Oh, mon Dieu! C'est de la moulée clown. Non, moi, ouais, c'est ça, ça goûte le... Ça goûte très bon. Alors, Flamme, ma sœur Flamme, ma seule femme, toi qui trouves le Greenwich dans tous mes clubs sandwich, toi qui sépares mon végétal de l'animal, toi qui trouves ma mayonnaise, toi, ma pakistanaise, glisse ma glaise et moule-moi. C'est terminé? Oui, mais on m'a demandé au fond de la répéter, on l'a pas entendu. Ah non, non. Ah non, c'était... Non, non, on s'est même pas encore introduit. Introduisez-vous, on répète. Poème à manger ou à pétrir? Flamme? Ma sœur Flamme? Ma seule femme? Toi qui trouves le Greenwich dans tous mes clubs sandwich? Toi qui sépares mon végétal de l'animal, toi qui trouves ma mayonnaise, toi ma pakistanaise, glisse ma glaise et moule-moi. On va prendre un œuf maintenant. Là. Êtes-vous prêts? Moi, ce serait dans deux pains hamburger. Placez-moi mon œuf là-dedans, cuit dur. Ben, il risque d'être cuit très dur. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Madame les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes imbudiques, êtes-vous imbudiques? Oui. Deux glaces, s'il vous plaît, dans un grand verre d'imbudique. D'accord. Mais madame, pouvez-vous préparer ça? Ben, je n'ai pas de recette. Ben, viens nous le dire, là, vous êtes bien... On ne vous écoutait pas, là, là. J'étais vaporeuse. Oh, ma vaporeuse, prépare-toi. L'errance rénaldienne vient de s'installer près de toi. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. C'est toujours bien, en lisant, de rire un peu. Ça prouve que nous formons encore un certain sens intellectuel dans notre récit narratif. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée. Non, ça, c'est pas très bon. Les gens l'ont senti. Là. Ah, c'est vrai, il faut pas s'abandonner à d'autres, à trop de facilités. Ah, c'est que j'ai pas pris mes pompes numéro 7, mais numéro 12. T'es-tu au golf, toi? Ben, oui, anciennement, j'étais une balle. Une balle de golf? Moi, j'excellais dans le 18e trou. Ah oui, je suis né dans un trou, puis je me suis dit, m'a finir au 18e, c'est toujours mieux. À Paris? Non, dans le trou de golf, voilà. C'est mieux, non, je te dis que mieux vaut terminer dans le trou de golf que dans le trou de pète. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal. Il a pas dit ça, non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit trou de golf, bon. Trou d'un coup. Trou donc, qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je continue. Avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéant, gagné. Mon oncle continue, là. Mon oncle, il va tranquillement. Ouais. Ben oui, mais là, J'ai eu trois pompages. Dis-moi rien, là, mais j'ai eu trois pompages. Ouais. Ou c'est une liaison provisoire. Ouais. C'est les sondes qui font ça. C'est normal. C'est la régularité intellectuelle. C'est toutes les... ouais, c'est dans les tuyaux cérébraux. C'est... Oui, c'est rénal, mais moi, c'est cérébral. T'es mais... Bon. Appelle Thérèse, elle va tout te raconter ça. Elle est encore dans la version morse. Ça n'a pas évolué, elle. Ouais. Elle a les crocs comme les... Ouais. Arr, arr, c'est un morse, ça, là. C'est-tu la différence entre un morse et un fuck? Ça, c'est un fuck. Puis ça, c'est un morse. Arr, arr. Parce que le morse se répète deux fois pour que le fuck puisse comprendre. Le fuck, c'est... Arr. Puis le morse, c'est... Arr, arr. Des fois, ça peut être rapide, saccadé. Saccadé question. Tous les jours de la semaine, moi, je réponds. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Là, c'est fait. Avez-vous vu, madame... Oui, je suis un peu... Les monologues francs. Oui, c'est un ami imaginaire, moi. Il existe, mais... C'est ça. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention! Facebook veut manier muni, mon émo magnon. Mais... On n'a pas compris, hein? C'est que c'est un faible, là. Non, il est malade. Non, c'est un faible. Attention, Facebook veut être... Non, il est malade. Hein, allô? Madame? Allô? Non, il est malade. Il est qui? Malade. Il est souffrant? Il est souffrant? Non, il est malade. Il est malade? Bon, OK. Attention, Facebook... Je comprends pas ce qu'elle veut dire. La dame, elle-même. Non, il est malade. OK. C'est comment ça, il peut pas faire d'autre. Ah, c'est full. Full sentimental. Lorsqu'il n'y a plus de mental, rénal, des bacs dans le commercial. Attention, on va le dire, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier rénal de gagner. Oui, Philippe, j'arrive, mon Philippe. Mon tartare. Parce qu'il est tartare, hein? Les gens vont comprendre, là, après. Pour le moment, c'est obscur, là. Hey, voilà. Arrête de fumer, mon Philippe, parce que c'est un petit studio ici, là. Un vrai Gainsbourg. Ça va bien. Une n'arrête pas l'autre, hein? On est comme des frères, hein? Lunettes fumées, puis... Ouais, un peu plus grossier de ma part, là, ouais. Aurélie Hardy, tiens, préfères-tu Aurélie Hardy, hein? C'est moi, Aurélie, c'est toi, Hardy. C'est moi, le grand, toi, le petit. C'est moi, Aurélie, c'est moi, Hardy. Et nous sommes là, mes amis! Oh, aujourd'hui, le vendredi 26 avril 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire Philippe Perrin. Philippe Perrin est né en France. Je ne dirai pas la date, mon Philippe. On se garde une petite gêne, OK? On y va. C'est une petite gêne, OK? Il vit et travaille à Nice. Quoique, non, il travaille partout sur la planète, là. Depuis la fin des années 80, Philippe Perrin marque la scène artistique avec des œuvres où fiction et réalité s'entrechoquent en utilisant les codes de la violence sportive, policière, sociale, religieuse et intime. Ainsi, ses installations mettent-elles en scène des faits divers, entrées dans l'inconscient collectif ou des situations liées aux violences urbaines contemporaines? Et Rénald aime ça. C'est pas écrit ça, là, c'est moi qui le dis. Ses sculptures prolongent ses univers avec des armes ou des objets, agrandis et détournés de leur sens originel. Et ses hein, Camille? Ouais. Oui, c'est ça. Et ses photographies finissent de happer. Quand je vous dis que happe, là, tout happe, tout me happe. Je suis pas apte à comprendre tout ça. Mon cerveau est comme, comme vous dirais-je, maman, congestionné. Ces sculptures prolongent ces univers avec des âmes, oui, on l'a dit, ou des objets, agrandis et détournés de leur sens originel. Et ces photographies finissent de happer le spectateur dans une autofiction empruntée d'images de romans de films policiers connus de tous. En juillet 2012, Errance Renaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit... printanière? Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous envoûter? Oui, oui, oui! Que de oui! Asti! Tabarnak! Des balles pour venir dessus! Un cul pour venir dedans! Bignol! Yarval! Oh, c'est la femme! Oh, un petit fard blanc! Un petit cul pas large! À sa bille pas suétitionnel! Oh, c'est la femme! Une touffe bien trimée ou rosée bien sa peau. Hostie que c'est beau. Ça c'est la femme. Pas trop jeune, j'suis pas un pédo. Mais faut pas qu'elle soit trop vieille. Entre 16 pis 22. Ça c'est la femme. Oh bébé, laisse-moi être ton gros nounours. Mets une chaîne autour de mon cou. Pis on est moi tout partout. Pense-moi que mon père le tigre. Je sais que ça te fatigue. Ça jouera plus les tigres. Vas-tu? Hey, crois-tu que je prends trop de place? Je t'ai pris ça. Hey, c'est quoi? Un livre de moi. Hey, crois-tu que je prends trop de place avec mon sac ici? Toi, t'es là, moi, je suis là. C'est ok, bon. Ok, excellent. Je vais manger un truc. Oui, oui, oui, oui. Hey, merci, quel beau livre. Ah, j'ai vu ça sur Internet. Ouais. Sur ton site? Ouais. Mais je vais te laisser finir. Non, oh, vas-y, vas-y, je regarde. Je vais juste un truc de boulot, je répondrai à une connerie. Non, tu veux pas. Dans 3 secondes. Ah, écoute, on se relaxe. C'est l'été. Pas je suis à l'heure, tu vois. Ah oui, c'est oui, même oui. De l'avance. Ben oui, ben oui. Alors, Reynald. Oui, c'est lui. Le mabou de Facebook. Oui, c'est ça. Grâce à Chloé. Alors, tu sais quoi, après, tu vas mettre ton micro et tu vas tout ça, tu vas te présenter, on va... Hein? Bon. Oui, ben, si tu veux. Mais alors, qu'est-ce que tu fais exactement, Reynald? Qu'est-ce que je fais ici? Ben, en tout! OK, en tout, ben, écoute, je fais plein de choses. Ça passe à la radio après là-bas, c'est ça? Oui, c'est KRL, au 89.1 à Québec, qui est la première radio communautaire francophone au monde. Ouais. C'est une radio associative. Et à l'époque... radio libre. Ouais, mais attention, parce qu'il y a une histoire que je veux te raconter dans quelques secondes, brièvement. c'est que les radios libres chez nous, c'est depuis 73. OK? Depuis 73 ben chez ouais, nous. Ouais, ouais. Mais vous, vous êtes venu chez nous. Non. Vous, ben, ouais, ben oui. Oui, mais nous, c'est la première radio communautaire francophone au monde. Alors, vous êtes venu chez nous pour voir comment on faisait. Vous êtes reparti de la Suisse, de la Belgique et de la France avec ce que nous, on offrait comme. Je me souviens là, comme ça, je ouais. me rappelle de toi. Tu te sens à l'aise? Tu te sens bien? Je suis entre deux. Entre deux chaises. Exactement. Ouais. Ah, je vais prendre les deux. Ah oui? Mon voilà. dos. L'indécis. En politique, t'es-tu comme ça, indécis? Non? En politique, es-tu aussi indécis? C'est ça, en politique, moi? Oui, tu es indécis? Non, alors tu sais, j'ai un problème, j'ai des oreilles bouchées depuis 10 jours. OK, veux-tu que je parle fort? J'entends rien. Là, tu m'entends, là? Tu m'entends? Oui, là, okay. J'entends bien. OK. Alors, tu fais indécis aussi en politique? Là, tu l'as mis ou pas? Tu peux y aller. Ah oui, il n'y a pas de problème. C'est ça fait. Tourne? Ah oui. Ah bon? C'est très relax, là. Oui, bah oui. On branche du micro pour faire montage. Voilà, oui. Oui, rassure-toi, quand tu es passé l'année dernière, voir Chloé Mons, tu as dit des trucs assez hallucinants tu que j'ai coupés au montage. Non, ben non. Oui, je les ai sur mon disque dur, mais je ne les ai jamais présentés parce que son tourneur ou son impresario ou son producteur m'a dit j'aimerais que tu présentes. Que tu coupes. C'est pas vrai. Ben oui, parce que tu es rentré et tu dis ah, salut ma salope. Salut ma salope. C'est ça? Oui, alors j'ai dû couper. Ben moi, tu peux laisser quand je parle de. Là, on peut dire salope, ah, oui. Ça, tout ça, là, on a le droit. Hein, c'est moi. Oui, ben oui. Ah, alors, il manquerait plus que ça. Alors, c'est toi le personnage. T'es dingue. Oui, c'est toi le personnage. Oui, évidemment. Alors donc, ils sont venus chez nous pour. Alors moi, je me posais une question. Ben vas-y. Ici, tu passes pour un con avec ton accent. Mais est-ce que moi, avec le mien, par exemple, là-bas, je passe pour un con, moi? Non, premièrement, je passe pas pour un con, okay? Je passe pour un homme sympathique. Ben oui. Mais est-ce que nous, on a vraiment un accent typique quand on arrive là-bas? Ben, pas vraiment, parce que le cinéma français est rentré ah, oui. chez nous depuis belle lurette, depuis donc on s'habitue à de Funès, depuis Bourville, depuis Londres. Ah, ben oui. Non, nous, quand on vient ici... on est aussi bien vu parce qu'on a la carte québécoise, qui est une carte gentille. Les gens nous aiment bien. On n'est pas vu comme des cons parce qu'on associe souvent les gens. Non, mais les gens, les Français aiment beaucoup le Québec et les Québécois. Hein. Oui, mais une chose, pour le Français qui n'a jamais sorti de son patelin, on nous confond avec les Belges. Pour les mauvais imitateurs. Ben oui, il y en a beaucoup. Pour les mauvais imitateurs, mais il y en a plein. Oui, c'est mais ça. L'accent belge n'a rien à voir. Hein, exactement. Ce n'est pas la même chose, Renard. Non, et voilà, pareil, c'est ça. Hein. Exactement. Donc, non, c'est pas pareil. Moi, je fais l'accent belge, mais moi, je peux faire l'accent belge, mais je n'arrive pas à faire l'accent canadien, par exemple. Non, c'est pas canadien, c'est québécois. Mais québécois, oui. Ben, non, c'est pas la même chose. Non, parce qu'on s'est quitté l'année dernière avec ça, ce paradoxe-là, et je vais te le raconter encore à nouveau. C'est que nous sommes francophones. Okay. Bien, je sais. Bon, alors mais donc, évidemment, je connais l'histoire du Québec. Oui. Alors, René et de Jacques Cartier. Et voilà, mais René Lévesque s'est battu, qui est un grand premier ministre québécois, a inventé le mot québécois pour nous authentifier, pour nous montrer francophones auprès du monde. Ben oui. Et nous spécifie aussi, ça nous spécifie. Comment dire, ça nous singularise. Hein. Ça nous singularise. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on est Québécois et non pas Canadiens. Un Canadien, c'est Leonard Cohen. Un Québécois, c'est Ariane Moffat. Un Canadien, c'est un anglophone. Oui, exactement. Donc, moi, je suis un Québécois, je suis un francophone. Donc, je ne suis pas Canadien. Oui, c'est vrai, Québécois. C'est le Canada. L'autre, oui. C'est toi, c'est le Québec. C'est ça, exactement. C'est deux pays différents, évidemment. Et voilà. Et on appelle ça le Canada anglais et le Canada français à une certaine époque. Ouais. On les ouais. appelait les deux solitudes. On ne se rejoindra jamais. Non. C'est pour ça qu'on travaille sur la séparation du Québec. Vous, c'est les Hurons et les autres, ouais, c'est quoi? l'autre est... Non, les Hurons, ils passent partout. Oui, c'est ça, mais pour un Canadien, nous sommes des cons, et pour les Québécois, le Canadien est un con. Alors, on est toujours le con de quelqu'un. C'est ça. Bref. Mais on est toujours le con de quelqu'un. Philippe, quelque part. Brassens, c'est le chanté. Évidemment. Quand on est con, on est con. Philippe, toi, tu as travaillé en art plastique, tu es un créateur, tu es avant tout un homme... Qui travaille l'objet, qui travaille l'iconicité depuis quand même assez longtemps. Tu as fait les Beaux-Arts? J'ai fait les Beaux-Arts à Grenoble, ouais, il y a très longtemps. Ouais. Mais je ne me suis jamais posé de questions, tu sais. Je faisais des dessins quand j'étais petit, je suis rentré aux Beaux-Arts parce qu'à l'école, ça me faisait chier. Et puis voilà, et c'est que je suis rentré à 16 ans à l'école, tu vois, aux Beaux-Arts. Donc assez tôt quand même. Mais qu'est-ce qui t'a amené aux Beaux-Arts? Qu'est-ce que tu... J'ai eu la chance de rencontrer un prof de dessin quand j'étais... au collège. Oui. Et tu viens de quelle région? Tu viens de quelle région? De Grenoble. OK. Et qui m'a aidé, si tu veux, quand je suis arrivé en seconde, j'étais tellement nul. J'avais tellement accumulé de retard sur tout qu'il me restait que les Beaux-Arts voulaient travailler à l'usine. Donc à un moment, il a fallu se concentrer un petit peu. Ils m'ont pris aux Beaux-Arts très jeune. Okay. Et donc j'ai gagné du temps. Okay. Tant qu'à faire. Et j'en ai pas perdu en tout cas. Non, ben ça c'est bien, c'est très positif. Je voudrais bien, s'il vous plaît, un tartare salade. Hein, vous pouvez me le préparer? Là, ouais, je vais demander au cuisinier, je sais pas ce qu'il veut. Normalement, je prépare pas. S'il peut. S'il peut, mais c'est pas ça parce qu'on a des commandes, mais tout le monde commence à envoyer à l'intérieur. D'accord. Donc, je garantis pas, sinon je vous l'envoie comme ça. Voilà. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Merci. Ah, moi, je voudrais une bébé aux gazeuses. Une bébé aux gazeuses. J'ai hâte d'avoir de quoi il aura l'air, ton bébé aux gazeuses. Voilà. Ça peut être un monstre. Je sais pas. C'est possible. On est prêt à tout. Mais pourquoi le tartare, ils ne le font pas sur place? Non, ils le font, mais c'est toi qui dois te le préparer ici. Il y en a, tu te le fais toi, d'autres, c'est eux qui te le font, ils te mettent les ingrédients ou pas. Ok. Voilà. Alors là, tu as... Mais normalement, le tartare, c'est bien, c'est quand il est coupé au couteau. Ben oui. Oh, oui. Ici, j'ai vu que c'était haché minute, alors. Oh. Si c'est pas haché trop fin, ça va. Ok. Et t'es un épicurien? Ouais. Tu aimes bien la bonne bouffe? Oui. Oui. Les bons vins. Les bons vins, oui. La cuisine. Mais ça, cuisine. Les vins, on y revient. Tout ça, c'est la même chose. Hein. Oui, ben oui, oui, c'est le même monde. Et là, mais tu sais, les beaux-arts, la musique, la cuisine, moi, je vois pas de différence, hein, finalement. Okay. C'est que des formes. Après, c'est le sens qui reste. Hein. Oui. Le plus important, c'est ce que tu as à dire ou ce que tu as envie de faire partager. Mais qu'est-ce que tu as à dire? Donc, une œuvre d'art, c'est faire partager des choses et un plat, c'est pareil. Oui. C'est plus éphémère. Le plat est plus éphémère, voilà. Oui. Mais à Grenoble, tu as étudié en art plastique, tu as travaillé... J'ai fait les Beaux-Arts là-bas, et puis après, tu sais, moi, je me suis jamais posé de questions. Hein. Ce que je te disais, j'ai fait des dessins quand j'étais petit, je voulais être dessinateur quand je serais grand, parce qu'on ne sait mais pas... Mais quel genre de dessin? Bah, je faisais des dessins de tout. Okay. Et puis, j'ai été aux Beaux-Arts, et puis j'ai commencé à faire des expositions, et puis ça fait 25 ans que ça dure, tu vois. Voilà. Mais là, toi, tu fais plein de choses. Beaucoup de trucs, oui. Surtout, on me connaît plus pour les sculptures. Mais des installations, des photos, des dessins, tout sauf de la peinture, on va dire. Ouais, okay. Mais j'ai fait de la musique, j'ai fait des bouquins, j'ai fait un peu de tout. Non, j'oublie pas. Mais c'est plus les sculptures en général. Les monts bleus, les mers secouées de fonds et de houle. Il existe un pays bleu où les femmes font si des émoules. Souvent après mes spectacles ou pendant pendant l'entraque, on se croirait comme par magie transporté dans ce pays. Tellement de filles se bousculent sans crainte du ridicule. Ils me disent enlevant leur gilet. Hey, est-ce que tu te laisses s'éclairer? Les mers sont à l'air, l'oncle coule. J'suis une vedette, bonne tapette, j'suis une diabole. Nos élèves, quand ils écrivent, font des fautes à tous les deux mots. Comprenez ces pauvres marmots, la feuille blanche c'est des motifs. Imaginez comment ils feraient, ben moins de fautes de français. Si les profs l'en faisaient faire, l'antiquité se rebelle. Ouais! Oh yeah! Oh! Chantier fruit, John Rossi, beau bois de rouge. Oh oui, ma grande, sont des glandes, c'est terrible. C'est Peter Paul, j'ai pas été longtemps à l'école, mais c'est pas grave, j'ai acheté une guitare, pis là j'suis rendu un rockstar. C'est que tu gars, écoute-moi bien, t'as à peu près ça que tu prends en main. Lance l'école en way de gaze, va t'acheter une Ibanez. Si t'apprends des réformes, tu vas pouvoir faire la pièce. Être acclamé par les foules, t'es signé, c'est pas une boule. Chef barrière aux petites mères qui ont du fun. Vive la vie, vive l'amour qu'elle nous donne. Un soleil nuit pour celle qui se déboutonne. Un par de poigne, le vin coule, j'ling c'est vol. Si tu franchis des monts brumeux, les mers secouées de fonds et de houle, tu vas retourner au pays bleu où les femmes font si t'es évolué. Oui, c'est terrible. Wow, yeah. aussi que tu travailles sur les fusils, sur... Il y a des armes, est-ce que c'est un concept d'armes. Est-ce que c'est un concept ou si c'est ah, tout est concept, hein, c'est pas ça le... Oui, mais est-ce que c'est une... Oui, il y a des périodes, il y a des évolutions. Okay. Il y a eu, au tout début, je faisais des choses plus autour de la boxe. Pourquoi? Parce que j'avais fait de la boxe, que j'aimais ça. Et, et c'était la métaphore un peu de l'art et de l'artiste. C'était, le combat. Ouais, le combat, etc. La lutte, tu vois, la survie, etc. Le combat dans notre société, et s'affirmer. Après, quand j'ai arrêté ça, c'était plutôt une histoire de voyous, après finalement. Et puis après, de prendre des rôles un peu comme ça, ça s'est calmé. Je suis devenu moi, enfin. Okay, ouais. Je suis enfin devenu artiste officiellement. Tu t'es révélé à toi. Voilà, okay. Voilà. Et puis, ça fait un bon moment que je fais des grands objets agrandis, des grandes armes, des Beretta, des trucs comme ça. Et parallèlement, en même temps, des chapelets, des choses bibliques, des couronnes en fil barbelé. La rédemption, Rénal, ma rédemption. Je ne peux pas seulement vendre des armes en gros. Tu as été un méchant et tu veux que Dieu... Je vends des armes en gros et des grands chapelets après. Mais toi aussi, oui, t'es rigolo, mais c'est parce qu'en étant méchant, tu veux en faisant des chapelets. C'est comme un principe mafieux, si tu veux, tu vois, c'est les deux, il faut faire les deux. Okay. Voilà, il faut aller à l'église et en même temps vendre des armes. Mais tu es croyant? Quand ça m'arrange, comme okay. Tout le monde, on sait jamais surtout. Non, ouais, on sait jamais. Okay. Alors c'est ce qui reste après les trois points de suspension. Hein? Voilà. Tu crains le pays. Voilà. Tu crains d'être jugé en haut. On sait jamais. On sait jamais. Voilà, des fois, tu sais, il vaut mieux prévoir. Oui, il vaut prévenir que guérir, comme on dit. Mais t'es contre, est-ce que c'est au fur et à mesure? Je lutte contre aucune religion, bon, je m'en fous. Okay. Il y a des gens qui sont vraiment anti-religieux. Ni Dieu, anti-catho. Moi, je m'en fous. Après, je suis entré anti-extrémiste, évidemment, dans toute religion. Mais après, il en faut. Il faut de tout. Il faut des religions pour... Pour faire plaisir aux gens, pour les abrutir pour qu'ils soient détendus, ça les relaxe, ça leur détend le gland. Oui, c'est ça, mais c'est une canne. Une canne, voilà. C'est un harnais de sécurité. Oui, c'est des aïeux peut-être. C'est ça. Ben oui, les gens, ils ont besoin de ça. De toute façon, ça servait à ça dès le début. Hein. Ça servait à dominer les gens et les religions et à les guider comme on voulait, non? Oui, mais... il y a des bons côtés, dans tout. Oui, oui. Mais le travail que tu fais actuellement avec les armes, les menottes et le côté... En fait, tu as un style américain. Peut-être. Mais on voit que tu es arrivé un peu sur l'Amérique. On voit que tu as comme un regard... Ah, mais ça, c'est un peu les souvenirs d'enfance, des westerns, en passant par... James Dean, mais John Wayne. Wayne à Dean Martin, plutôt, je préfère. À Dean Martin, oui. Oui, cause de la bouteille, ou... Oui, mais en passant par les polars, ça va du western au polar. C'est comme les rêves de gosse, des pétards de 3,50 m. Allez-y. Non, ça va. On fait un montage. C'est en direct. Vous passez en direct au Canada. Au Québec. Au Québec. T'as une partition, c'est Québec. Tout le temps Québec. Oh là là là. Oublie le Canada, OK? Ah oui, il faut que j'oublie ce pays. J'oublie ce pays de merde. Oui, c'est un pays de merde, effectivement, oui. Oh là là. T'as raison. Mais Toronto, c'est bien au Québec. Oui, mais c'est anglophone. C'est anglophone et je connais pas si jamais. C'est ça. Je suis jamais allé. Mais c'est québécois. Non. Mais non, c'est canadien. Canada. Je fais exprès, c'est une blague. Ah, oui, et tu me réponds oui, je sais. Bon, mais moi je réponds à toutes les questions parce que les Français ont beaucoup de difficultés à saisir ça au Québec-Canada. Oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Mais à travers les armes, à travers tout ça, tu as fait aussi des. Mais les armes aussi en même temps. C'est ça vient du polar, c'est la petite enfance, c'est tous les souvenirs, etc. C'est aussi la famille italienne, sicilienne de quand j'étais petit. Tu vois. Est-ce que c'est toi qui proposes? C'est aussi l'histoire de l'humanité, les armes. Ouais, tu ouais. vois. L'évolution des armes, c'est l'évolution de l'être humain. Le meurtre, c'est une histoire d'être humain. C'est pas une histoire d'animaux ou de plantes. Tu vois. C'est ce qui nous différencie de l'animal, comme disait Jacques Vergès. Ce qui nous différencie d'animal, c'est la notion de meurtre, la notion de crime. C'est ce qui nous rapproche de Dieu. Donc je me situe entre ces deux choses-là, entre la bête et le divin. Oh. Tu vois? Est-ce que ça peut être dangereux? Mais si tu tombes sur la bête, oui, hein, alors... Mais ça, c'est plutôt en soirée. C'est plus tard en soirée, c'est la plus bête. Tard, mais c'est plus avec de l'alcool. Oui, ça aide à trouver en soi la bête, c'est ça? Non, là, je suis plutôt calme, tu vois, je suis à l'eau pétillante. OK, c'est ce que tu veux dire à la radio, mais c'est pas vrai, c'est du champagne. Mais il faut pas... faut pas dire à tout le monde. Mais non, en France, on n'a pas le droit de faire de la publicité pour l'alcool. Effectivement, ah oui, on dévoile quelque chose, c'est vrai. Désolé. Par exemple, là, je ne fume pas et je ne bois pas. Non, c'est vrai. Voilà, tu vois, regarde. Ben oui, mais même les gens regardent à la radio. Mon Gainsbourg, OK. Mais tu as fait aussi quelque chose d'assez extraordinaire, malheureusement. un chanteur est mort, mais toi, tu t'es... on t'a demandé de faire... la sépulture d'Alain Bachung. Oui. Exactement. Sa femme, Chloé Mons, m'a demandé de... Elle te connaissait avant? Ouais, on se connaissait un petit peu, et elle m'a demandé de faire la tombe d'Alain, parce qu'elle jugeait que c'était une bonne idée, et évidemment, je connaissais toute la discographie d'Alain, et je connaissais très bien tout ça, quoi. Ok, t'étais un fan avant? Ah oui, bien sûr, depuis petit, depuis toujours. Tu l'avais rencontré, jamais? Non, jamais, jamais. Mais je suis un fan depuis le début, tu vois, des trucs de Bachung. Enfin, pas les années 60, parce que je n'y sais, mais ouais, il y avait fait quand même 2-3 chansons de variété à l'époque. Ouais, mais... Voilà, mais ça, on n'en parle pas, on ne les connaît pas. Non, tes blessures et tout ça, là. Voilà, donc c'était un honneur de faire ça, tu sais. Donc on a fait, ouais, j'ai dessiné ça, et que ça a été fabriqué par, évidemment, des marbriers pour sa tombe au Père Lachaise. Son dernier lit, sa dernière demeure. Ouais, et... Son dernier studio son. C'est bon, hein. Bah ouais. Et les gens peuvent admirer ça si on passe à Paris. Et au Père Lachaise, oui, alors l'exposition dure ad vitam aeternam. Oui, on peut rester planté là des années. Voilà, des heures. Années, ça part pas. Oui, mais là, des le années. Problème, c'est qu'on a un peu de mal à la voir parce qu'il y a beaucoup de fleurs et de choses dessus, mais ça, c'est normal. Oui, oui. Au c'est début, fans, surtout. Hein. Oui, c'est début. Les fans. Oui. Ah, peut-être que dans 50 ans, il y en aura moins, il y a des chances. C'est ça, avec les années. Ah, bah oui. Est-ce que tu la regardes souvent? Est-ce que tu penses... Je n'y passe pas, non. OK. Non. Alors, lors de la... De la promotion, tu l'as fait. Je sais qu'elle va bien, on m'a dit qu'elle est toujours là et qu'elle va bien. C'est bon, ok, c'est voilà. Positif. Ouais. Est-ce que suite à ça, on t'a demandé quelque chose de similaire pour d'autres J'ai un copain qui s'appelle Rudy Ricciotti, qui est un très grand architecte, qui m'a demandé, qui veut que je fasse sa tombe si un jour il y a un problème. Ah, mais lui, c'était quand même assez bizarre parce qu'il est vivant, il t'a demandé. Oui, mais comme il est plus âgé que moi, j'espère qu'il mourra avant. Oui, ok. Okay. Sinon, c'est lui qui doit faire la mienne. Ah oui, c'est un arrangement. Ah oui, ah oui, oui. Mais lui, il est trop architecte, hein. J'ai un peu peur quand même. Hein. Ah oui, ça peut être une fresque incroyable. Ben, je sais pas ce qu'il va nous faire comme connerie. Est-ce que un barème à suivre lorsqu'on fait... Tu as des trucs à poser, ouais, bien sûr, bien sûr. Il faut pas que ce soit trop haut. Ben, y a la hauteur, il y a la couleur, il y a selon les parcelles et tout ça. Oui, toi, t'imposes des trucs, ils font vraiment chier. Mais toi, t'as eu la liste... Eh ben moi, j'ai eu, me suis arrangé un peu grâce au monument historique, parce qu'Alain Bachung, c'est pas non plus n'importe qui. Mm-hmm. Et moi, je suis un artiste quand même connu en France, tu vois, donc on a pu quand même, un moment, si tu veux, il y a une grande, tu sais, la stèle, la pierre où il y a son nom gravé, etc., fait sa hauteur. Okay. Comme ça, le lit, c'est comme ça, c'est si tu veux, il peut se coucher, se lever, c'est comme un lit qui claque, ah, ouais, tu vois, le principe. Ah, ouais. Mais il voulait pas au début, il fallait que ça doit s'arrêter à 82 haut ou quelque chose comme ça, tu vois, donc là, je suis passé par les monuments historiques pour leur dire que ça gênait en rien, que c'était dans les cahiers des charges de leur couleur de pierre, de machin, tout ça. Donc à un moment, Bachung, on peut le mettre un peu plus haut que les autres. C'est pas quand même pas bien grave, il me semble, tu vois. Surtout quand derrière, il y a une vieille tombe qui a 200 ans, qui est toute cassée et qu'on s'en fout, tu vois. Donc on a pu s'arranger là-dessus, heureusement. Sinon, c'était... Il voulait une tombe bidon, tu vois. Bref, c'est de la bureaucratie qui... Voilà, bureaucratie à la con, exactement. Est-ce que c'est fréquent, ça, lorsque tu présentes des œuvres, surtout dans des lieux publics, où on t'arrive avec des barèmes, avec des chèmes, donc tu peux pas faire Non. Alors, t'es libre, t'es un créateur libre. Oui, ça va. Là, j'ai fait un truc à la Biennale de La Havane. Oui. Je sais pas si tu as vu des images ou pas. Oui, sur ton site. Ouais, la grande Kalachnikov de ma maître, elle est sur l'ancien parcours de golf de Batista. Ouais. Et donc pour l'anecdote, si tu veux, c'est l'ancien terrain de golf, parcours de golf de Batista, sur lequel le Tché et Fidel ont fait un parcours, en se demandant ce qu'ils allaient faire de cet espace. soir que dans le Bronx, j'étais on ne peut plus anxieux. Retrouver Samantha entre tel New Funk, quelques punks aussi bon ce qui m'est chiclant de mon Iowa. Remember the rest, cause you're the best. Slip in the slam, the boom bam, I can't spur. You're under arrest, cause you're the best. Ha, slip in the slam, the boom bam, can't spur. J'ai dit, et je redis donc, sur le trottoir du Bronx, je recherchais Samantha. Ce point de gorille du Bronx, il est évident donc que c'était mal barré. Pour moi. You're under arrest, cause you're the best. Slip in the slam, ba boom bam, guns borrow. You're under arrest, cause you're the best. Guns borrow. C'était deux police blacks qui pratiquaient le slang ainsi que Colt. Du Bronx, je défie quiconque dans ce cas de ne pas avoir les fois. You're under arrest, cause you're the best. A slip and a slam, ba boom bam, can't burl. You're under arrest, cause you're the best. A slip and a slam, boom ba bam bam. Je faisais mon judo intellectuel. Philippe Perrin, lui, fait du judo, karaté, boxe, dans un ancien boxeur. Box, box, quatre boulettes de cuir, box, box. Elle devrait y placer Claude Nougaro. Claude Nougaro, Philippe, connais-tu ça? Claude Nougaro, Philippe. Excusez-moi. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Là, c'est le moment le plus sérieux, là. Parce que là, t'assistes à un spectacle des plus pitoyables. Radio québécois. Hein? Pardon. On dit pas, on dit pour nos enfants, on va donner 25 cents, ouais. Nos enfants pauvres. Mais. Je parle de pauvreté intellectuelle, là. Oh, quelle pauvreté. Et je parlais hier. Avec un... Là, c'est vrai. Là, on s'arrête. Madame, arrêtez-vous. lâchez votre sauce à spaghetti, tournez plus. Que ça colle. Que ça collera. Mon histoire collera et le steak, les boulettes ne colleront point. Ils l'éviteront. Une boulette. Elles l'éviteront. Elle est qui? Ouais. Mettez de la sauce. Du jus de légumes. C'est bien mieux que de la sauce tomate. C'est plus clair, mais c'est meilleur. Ben, mettez du poivre sel. Puis je vous conseille, même si ça paraît un peu idiot, du sirop d'érable. Regardons, j'ai besoin de peur. J'ai une dyslexie buccale. Du sirop d'érable. Il n'est pas facile à dire, hein? Vous avez rien compris? Bon, là, ajustez votre 89.1, là. Du sirop d'érable. Hein? Vous avez bien compris, hein? Vous étiez au cœur. J'étais au 89.0. Ben, c'est ça, qu'est-ce que ça donnait? Ben, ça donnait du sirop d'érable. C'est ça. Là, ici, ma pire. Tournez, arrêtez de tourner. Vous, là, arrêtez. Non, non. Dansez pas autour de votre chaudron, là. J'appelle les esprits à réussir ma sauce à spaghetti. Deux belles boulettes s'en vont dansant. Ah oui, ah oui, ah oui, de bas. Oui, ah oui, de chibé, oh, oui, oui, oui, bébé. Pas de betterave, pas de betterave, pas de betterave, la sauce, bah, oui, c'est super, c'est eh? Ok, ouais. C'est Johnny. Là, ici, maintenant, on faisait mon imitation de Johnny. Qu'est-ce qu'il voulait dire, donc? Pas de sauce, arrêtez de brasser, faites-vous pas gros brasser, réagissez, soyez pas comme des, des invertébrés. Ah oui! Ben oui! Hier, ça m'est revenu! Aïe, aïe, donc! Oh, commotion cérébrale! Aïe, aïe, au niveau du cérébral. Dans le milieu du cérébral. Amen. Amen, sœur. Bon, je vais vous la raconter. Nous relatons l'histoire, là, à ce moment précis. Nous allons être sérieux. J'ai rencontré quelqu'un, malgré moi. J'aime ça dire ça parce que c'est pas un ami. C'est même pas une connaissance. C'est un être qui entra et qui sorta aussitôt. Bref, il est venu chercher un sac de plastique pour ramasser le petit cadeau de son chien. Et je discutais avec lui rapidement en blaguant comme d'habitude. Et il me relata le film Astérix que je n'ai pas vu avec Gérard Depardieu. Et je lui ai balancé comme ça. Ah oui, Obélix, là, c'est joué par Gérard Depardieu. Il dit pardon? Il n'a pas dit pardon, il a dit hein? Parce que ça, c'est le comble de l'ignorance. Hein? Hein? Hein? Ça fait de l'écho dans le cerveau, là. Hein? Gérard Depardieu! J'ai dit, voyons donc, tu connais pas Gérard Depardieu? Le gars, il a 25 ans. Gérard, non! OK. T'aimes le cinéma? Hey, oh, j'aime ça, le cinéma d'action, moi! Hey, je l'ai une bam-bam. Oh, je l'ai une bam-bam. Rocky Balboa, mal réclamé de nom, hein? Moi, le Vietnam, je connais pas ça, le Vietnam. Moi. Le Vietnam, là, je pensais que c'était une sauce piquante, voilà. Là, je me suis rendu compte que Batman m'a dit que c'était pas ça, là. C'était Birmingham. Birmingham? Gérard Depardieu, c'est qui, ça, Gérard Depardieu? Et moi, l'errant prit une pause et lui dit... Cancre. Espèce de nom futé. Là où ta connaissance semble sombrer, c'est-à-dire dans ce puits profond de la volonté de ne rien savoir, histoire de ressembler à tout le monde. Je tiens à te dire ceci. Deux points. Ouvrir les guillemets. Instruis-toi, Karen, hein? L'instruction, c'est pas faite pour les chiens, quoique ton chien a fait un beau cadeau plus brillant que ce que tu peux réfléchir actuellement, toi. Ça, c'est constructif. Ça va faire pousser des belles fleurs, tandis que ton cerveau ne peut rien faire. Il est cloisonné, il est enfermé, il est barré à 40. Il ne pourra plus jamais ouvrir, mais je te donne une chance. Viens à chaque jour ici, là, dans mon établissement dans lequel je travaille la nuit, pendant 5 minutes. Et je t'expliquerai. Je te relaterai. Je te raconterai. Ouais, j'ai de l'air de misère à parler de même, là, mais je te raconterai. Ouais, je ne conjugue pas, madame. Oui, je raconte, tu racontes, il raconte. Nous racontons, vous racontez, il raconte. C'est bon, hein? Pas si simple. Je racontais, tu racontais, il racontait, nous racontâmes, vous racontèrent, il racontât, raconter. Je racontais, tu racontas, il raconta, nous racontâmes, vous racontèrent, il racontât, patate, plancher, pain. Ah, moi, je me suis planché, les voies nu-pieds, là. Pas de babouche, rien. Je me suis rentré le clouet dans un monde, ou le clouet de mesure. Une mesure, pas de quoi. Oh, je traîne ma croix, mais depuis 28 ans. On va me crucifier de pas si simple. Pas si simple du verbe aimer. J'aime, tu aimes, il aimant, nous aimant, vous aimer, ils aimant, ils aimant, vous aimer, vous aimant. Vous aimant, madame, colle-t-elle encore? Ah, ben moi, ça colle plus à la réalité, moi. Je mets ça sur mon frigo, là, puis ça descend tout le temps. Je vais arrêter de placer les images saintes de mon rénal adoré parce que je sens la diablerie s'installer dans mon frigo. Tout bouge la nuit. Je me crois comme dans une maison hantée, mais c'est un frigo en frais. Un frigo en frais. Il est très frais. Ah, mon Dieu. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. La première phrase, c'est « Je marchais sous le soleil et je cherchais quoi faire. » Ça, c'est bien conjugué. Ça. Ben oui, mais c'est Bukowski. Crois-tu que Bukowski va prendre de pas assez simple? « Je cherchais sous la cherchais, je cherchais sous la marchaise. Que de baise, que de fraise, que de naise, que de fiaise, ne vous déplaise en dansant la vieille javanaise. Nous vous aimions le temps d'une chanson. » Non, c'est pas ça. Alors, « Je marchais sous le soleil et je cherchais quoi faire. » Là, au mois d'avril, début mai, on se dit, quand je marche, là, je vais me gonfler les pectoraux. Hein? Je vais me montrer à l'univers entier que je suis bedonnant, laid et sans intérêt. Quoique, je vais parler à haute voix, je vais réciter du Rimbaud. Que c'est beau un jour d'avoir 18 ans, que c'est beau d'avoir toutes ses dents, que c'est beau se rappeler les mémoires d'antan, lorsque lentement passent les semaines, lentement passent les étés. Eût-ce été mon été? Que ce soir, madame, mademoiselle, avec vous, ou sans vous, sans, tout, sans doute sans vous, je sombrerai dans ma pauvre réalité lorsque Petit Pousset et jeune chat fougueux entreront en collision amoureuse. La collision, une collision amoureuse. T'as de la misère à toi. Attention. Attends, madame, arrêtez votre radio. Je tiens à dire que j'ai toujours de la difficulté. Toujours de la difficulté. Vous avez remarqué? Ah, mais moi, je voulais pas le dire, là. En fait, c'est mon fils qui m'a dit « Maman, t'es professeur, toi? » Ben, aux dernières nouvelles, oui, petit. J'ai travaillé dans une école privée avec autant de doués. Je me douais de l'écouter. Oh, oh, oh! Et puis, je passerai mon tour pour ne pas lui tirer des calembours. Ainsi, l'amener. Moi, je sais que des menées, c'est pour attirer le poisson. Oui. Et le ramener, c'est le brochet. Quand tu l'as, le brochet, là, t'es bien heureux. Parce que son titre, là, c'est « Apprendre ou à lécher ». Non, c'est pas lécher, c'est laisser. Oh! Laissez-le tranquille, il n'est qu'un pauvre laboureur. Ah, ah, ah, yeah. proposé des logements sociaux et Fidel Castro a dit non, on va faire un grand centre des arts, comme ça on passera moins pour des cons à l'international. Donc il y a l'école de musique à cet endroit-là qui s'appelle l'Institut Supérieur des Arts, l'ISA, Institut Supérieur des Arts. À l'Artef. Oui. À l'Artef. Et... Alors, c'est une question de langue. Ah ouais, mais ça, je parle pas l'espagnol, alors c'est compliqué. J'ai un peu de mal, à part dire Morito. Et là, par la suite. Et là, donc, ils ont construit l'école de musique, l'école des beaux-arts, l'école de danse, l'école de théâtre, etc. Tu vois. Donc, c'est un endroit assez magique et unique au monde. Et sur ce truc-là, on a fait pour la Biennale, où j'ai représenté la France pour la Biennale de La Havane, donc, cette cadre l'ombre de la Révolution, mm-hmm. qui s'appelle Under the Gun, sous le feu, Under Fire. Donc c'est Belmaro El Fuego, je voulais dire. Mais à l'origine, est-ce que tu savais ou si on t'en remet un historique J'ai appris tout ça en même temps, donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée de le mettre ici. Je suis allé à l'avance là-bas. Oui, mais. Pour repérer un peu tout ça, les lieux, quels lieux on pouvait faire quelque chose, etc. Oui, mais c'est qui t'explique? C'est des gens qui sont. Je me renseigne, oui. Ok, tu vois, dans les. Tu... C'est les mecs de la Biennale là-bas, avec okay. qui j'avais affaire. Il y a le mec qui est directeur du centre Wilfrid Olam. Ok. Et qui m'a. On va pas, ouais. Ah ben voilà, c'est mon déjeuner qui arrive. Et voilà, c'est un bon appétit. Et muchas merci. Et donc c'est ça, c'est des gens qui t'arrivent avec un bilan, avec l'histoire de cet endroit-là. Non, si tu veux, c'est le président de la Biennale, le directeur de la Biennale de La Havane cette année. Quand même, il faut aussi dire... que la Biennale de La Havane a lieu tous les 3 ans. Oui, la Biennale, normalement, c'est tous les 2 ans. Oui, c'est bizarre. Voilà. Hein, mais eux, c'est tous les 3 ans, il y a la Biennale. C'est comme des Québécois sont à part. Ah, mais c'est incroyable, ça, c'est drôle. C'est cubain. Parce qu'il y a 2 ans pour la préparer et il y a 1 an de perdu. OK. Et les communistes au soleil, tu ben, sais. Peut-être, hein. Et ils manquent d'argent aussi, c'est pour exactement. Ça. Et puis, ils prennent du temps. Alors, ils sont là pour se repérer. C'est tous les 2 ans, mais avec 1 an de perdu en route. Ouais. Ah, j'adore. Oui, moi aussi. Alors, il voulait changer, mais il m'appelait la Prégnale. J'ai dit non, surtout pas. La Biennale tous les 3 ans, c'est magnifique. Oui. Restez aussi. Comme ça, ne changez rien. Tout est croche, mais on aime ça comme ça. Ah oui. Ah oui. Mais c'est à l'emblème de la société aussi. Tout est croche, mais on continue. Voilà. Mais tu as rencontré des gens. Est-ce que tu veux qu'on arrête pendant le repas ou. Tu fais une pause. Oui. Allez, fais une petite pause. Okay. Si tu veux. Ok. Tu veux des frites? Oh non, merci. Non, je te laisse. Tiens. Non, je te laisse. T'en veux pas. Ah, t'en veux pas? T'en mange 2. Quoi? Le régime. Ouais, mais c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Ça? Oui. Mais nous, c'est la poutine. Oui. Qui t'a parlé avec de du ça? Fromage en grain. Oui, mais qui t'a parlé de ça? Mais j'ai vu ça dans un bouquin. Avec du fromage en grain et de la sauce brune, c'est ouais, quoi la sauce exact. Brune? C'est la sauce de viande? Ben, c'est oui, c'est au bœuf. La sauce de bœuf, c'est ça, comme du viandox, un truc comme ça, c'est ouais. ça Mais c'est bon. Ça peut être super bon ou dégueulasse, c'est ça C'est l'un ou l'autre. Tout rien. Il faut savoir l'apprêter, mais ça, c'est des frites. Mais tu peux le mettre fromage. Tout ça, on peut manger en même temps. Hein. Oui, mais le fromage, OK. Ouais. Par-dessus, et une sauce brune chaude. Alors, le fromage ramolli, et tu y vas comme... Mais c'est la sauce brune qui fait la poutine. Hein. Mais c'est bon. J'en mange pas régulièrement, là. Mais les gens qui viennent au Québec, les Français qui viennent au Québec, tous goûter la en mangent après, là, après la première visite d'une poutine, on y revient. Ils en goûtent une fois, ils en mangent tous les jours. Oui, c'est comme là, j'ai rencontré, avant de me pointer ici, j'ai rencontré des Suisses, parce que moi je travaille, parce que j'ai un autre boulot que de la radio, là, je fais pas juste la radio. Et je vivais à côté. Oui, je travaille de nuit dans un lieu public. Un boulot alimentaire. Oui, une épicerie. Je travaille de nuit dans le quartier un peu comme Pigalle. De prostitution, de junkies, de... Bon. Ouais. Et, oui, dans le quartier chaud de la ville de Québec. Donc, j'ai rencontré des Suisses qui... La ville de Québec? Oui. Il y a la ville de Montréal, c'est au Québec. Au Québec, oui, exactement. Et donc, les Suisses se cherchaient un endroit pour manger de la poutine à 3h du matin. Et chez nous, on peut manger de la poutine 365 jours par année, 24h sur 24. Il y a toujours un endroit pour manger de la poutine. Oui. Donc, ils se sont... Je les ai dirigés vers l'endroit. Et ils sont revenus pour me remercier encore. Parce que la poutine, là, c'est... Dans l'épicerie... Ouais. Ils sont revenus, merci encore. Oui, c'est ça. Ils ont fait à peu près 15 minutes à pied pour revenir par la suite pour me remercier d'avoir, de leur avoir remis une très bonne adresse. En fait. Et toi, t'as mangé, toi? Tu voulais rien ou quoi? Non, merci. Non, moi, je mange un peu n'importe quand. Bah ouais, j'avais pas encore bouffé aujourd'hui. Ouais. Est-ce que t'es le genre matinal? Ah non, ça je vais en parler. Non, je vais pas. Pas trop tard, mais pas trop tôt. Okay. 10h. Ah ouais? 10h, ouais, c'est bien. 8h, ça fait chier. As-tu beaucoup de travail ces temps-ci? Là, je prépare des vacances. Quand? Ouais, je me casse. Où? La semaine prochaine, en Corse. Oui? Pourquoi la Corse? D'abord, j'aime beaucoup la Corse. En plus, j'ai des amis. Donc, je vais chez eux. Ah oui, mais c'est très très beau la Corse, où ça? Ajaccio? En bas, Bonifacio. Ah oui, ah oui. Ben, en face de la Sardaigne. Mm-hmm. Magnifique la Corse. Mm-hmm. Moi, je suis allé à Ajaccio là, en 89. Magnifique Ajaccio. Hein? Mm-hmm. Génial Ajaccio. Ah, tu as fait toute la route des sanguinaires un peu. Oui. Tu es allé derrière à Capodifène aussi, tout ça. Oui. Mm-hmm. Génial. Mm-hmm. Ah oui. C'est beau la Corse. Hein? Oui, les gens sont très sympathiques. Vraiment, Ils peuvent être très antipathiques, mais sinon, ils sont plutôt sympathiques. Hein. Oh, ouais, mais c'est comme ici, c'est comme partout. Hein. Bah oui. C'est... Ah, ils ont un caractère particulier, les Corses. Bah, comme les Québécois. Ah ouais? Un peu comme les Bretons aussi. Mmh. Assez direct. Mais si tu leur dis ça, ils vont te dire. Ouais, ben oui. Ben moi, c'est... Tu les comprends avec des Bretons, on va te dire non. Hein. Oui, mais il y a quelqu'un... On va te dire nous, c'est pas pareil. On est des insulaires de la Méditerranée. Mais il y a un humoriste français qui disait de nous que nous étions trop gentils. C'est le boss. Franck le boss. Je l'aime pas, celui-là. Il disait, moi non plus. Les ringards morts. Oui. Mais qui est vendu à Rousseau et à Stéphane Rousseau, pas le pain. pas le philosophe, là. Mais c'est un type qui est venu chez nous et qui nous a dit à la radio que nous étions trop gentils. On voulait pas perdre de mal à personne. Ça n'existe pas, trop gentil. C'est bien? Ben, faut être con pour dire ça. Hein. Déjà, ben ouais. À l'origine, faut avoir un problème entre les deux oreilles. Mais, ben non, oui. Être trop gentil, non. Et c'est pour ça aussi que les gens aiment venir au Québec. On est avenant. On dit qu'on est avenant. Avenant. Avenant? Oui. Avenant, pas souvent. J'ai vu que c'était un mot là-bas, avenant. Non, avenant. J'aurais dû y aller, j'y suis jamais allé. Ben, pourquoi? Au Montréal, à Québec. Oui. J'ai pas eu l'occasion. Est-ce que tu voyages souvent? Ouais. Pour le travail? Ouais, j'étais à New York là, je suis revenu il y a 10 jours. J'étais. C'est pas loin New York-Québec? Bah je sais, mais j'étais juste 5-6 jours. Ok. Je suis revenu. Des rendez-vous, des gens à voir, tout ça. Veux-tu remettre du son ou pas, toi? Je fais. Bon, t'as remis? Ah, il y a longtemps? Non. Et pourquoi je te vois pas mettre? Non, mais c'est un montage. Non, mais pourquoi je... Comment tu fais pour le mettre à distance ou quoi? Non, mais j'ai rien arrêté. Ah! Ah, t'as tout laissé depuis tout à l'heure? Non, mais je fais assemblage, je bidouille des trucs, mais je fais rien. Ah, bah oui. Ah oui, je suis un magicien. Ouais, tu laisses toujours, tu fais semblant de couper. Ben oui. Tu fais semblant de couper. Non, c'est Claude Lelouch qui disait, qui dit toujours action, mais qui dit jamais peu, parce qu'il dit que les prises les plus intéressantes, c'est à la fin. Ouais. Moi, j'aime pas Claude Lelouch. Moi, je déteste ce film de merde. Alors, c'est ça, je te dis, lui, il dit. Le seul film, je trouve, qu'il a fait qui est bien, c'est l'aventure. Ok. Par rapport au casting, mais tu sens surtout si les acteurs ont fait le film. Ouais. À la limite, lui, il a mis la caméra et c'est tout, parce que c'est Aldo Machon, c'est Lino Ventura, Charles Denner, Chad Brel, etc. Ouais. C'est eux qui font tout, quoi. Tu sens qu'ils improvisent et qu'ils délirent et ils sont bons, donc le film est bien. Après, lui, il a fait un scénar et ça doit faire une page et voilà. Hein. C'est toi. Alors, c'est grâce à l'improvisation. Tu veux une bière, un truc? Oh non, merci. Non, c'est ça. Toi, tu vois pas et tu veux me faire voir. Hein. Bah, c'est ça la stratégie. Hein. Peut-être. Je peux avoir un verre de rosé, s'il vous plaît? Oui. Merci. Tu veux un verre de rosé? Un rosé? Un verre de rosé? Ah, s'il vous plaît. Alors, deux verres de rosé, s'il vous plaît. Ah oui. Mais tu voulais pas juste. Hey! Non, tu mais... m'as dit. Non, français. Non, j'en mange une ou deux comme ça, c'est tout. Not resist. It's the end. chimie. Et après reprendre l'école, d'abord arrêter le chimique. Et après reprendre l'école, mais j'aurais tant voulu les prendre avec moi, les prendre tous dans mes bras. Et David Bowie juste pour une seule nuit, et j'ai vu les étoiles, oh comme jamais avant. Oh Franck, Franck, comme dit David, tu vas toucher quelque part, mais d'abord arrête le chimie. Thank you. seasons just like anything. It's possums in the autumn. Digging in the rain will bring all this gloom. There's nothing wrong with a lady drinking alone in a room. But there was a murder in the red barn. A murder in the red barn. There was a murder in the red barn. Murder in the red barn. C'est vrai que t'es au régime. Oui, oui. Pourquoi? Ah, mais moi. Bah ouais, mais. Il faut que tu maigrisses aussi. Non, ouais, non, pas du tout. Pas moi. Non, non. Non, pas moi. Bah, j'ai juste une vie à vivre. Hein. Toi, peut-être que non, en étant croyant. Ça. Ouais, mais je me suis remis au sport cette année. Fou, hein. Pourquoi tu cours après les filles? Un peu quand même, il faut. C'est important dans la vie, il faut, oui, pour ben pouvoir oui. courir après, pour réussir à courir encore surtout. Il faut les rattraper surtout. Bah c'est ça, il faut pouvoir courir tout simplement. C'est ça, ouais. Avant de courir après des filles, il faut déjà courir. C'est vrai, ça prend un début. Bah ouais, ça fait partie de la vie, hein. Quoi, courir après les filles? Ouais. Oui. Donc, oui, la vie, l'amour, la mort. Il faut courir, soit pour se sauver, soit pour courir dans la vie. Oui, ben surtout que quand toujours, on court, de toute façon, on passe notre temps à courir. Puis toi, avec ta stratégie artistique des flingues, quand il y en a un qui se pointe vers toi... Il vaut mieux courir. Ouais, mieux vaut courir, c'est ça. Oui. Mais ils sont jamais chargés, tes flingues. Les grands, non. Non, les non. petits, oui, mais ça, on les montre pas. Non, c'est ça, il faut les garder, oui. Mais... est-ce que tu sens une certaine transformation de ce que tu as fait depuis les débuts, oui? Des évolutions. Des évolutions. Ben oui, on évolue, non? Oui. On se transforme soi-même en vieillissant. Oui. Malgré nous? Ben oui. Mmh. Et puis en vieillissant, on se rapproche de l'essentiel aussi. Oui. Qui est? On arrête de se mentir, on est moins dans les artifices. Ah oui, oui. On va à l'efficacité, oui. Tu vois? Oui. Les faux amis, on les vire, etc. Tout ça, ça change, c'est fini, ça se calme un bout d'un moment. Hein. On zappe, tu vois. Ouais. C'est pareil, il y a des œuvres, bon, on essaie d'aller à l'essentiel. Celle de la Havane dont on parlait tout à l'heure, qui est constituée en fait d'un... ce qui est comme un enclos. Ouais. Sur donc l'ancien parcours de golf de Batista, qui est un enclos de 20 mètres de long, comme du grillage de jardin, tu vois. Mm-hmm. Comme un camp de concentration, comme Guantanamo, comme, tu vois, ce truc d'enfermer quelque chose. Comme les touristes, ils les mettent aussi dans des enclos, hein, là-bas. Oui, c'est... Ils mettaient les gays dans des enclos aussi jusqu'il y a 20 ans, là-bas. Et c'est tout ça, cette espèce d'enclos à la forme d'une kalachnikov de 20 mètres de long, qu'on a recouvert par du filet de camouflage noir. Et finalement, quand t'arrives, et c'est très très beau, parce que c'est un peu transparent en même temps, et quand t'arrives, bah, c'est le squelette, c'est la peau et les os, donc elle est vide. Mais finalement, il ne reste plus que la forme, la peau et les os de la Révolution, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de consistance. C'est très symbolique. Il n'y a plus de consistance, voilà, c'est le cinglé, fantôme, quoi. J'allais dire, c'est malade, c'est cinglé comme ah ouais, mais vision. Coup, ouais, mais cette pièce, du coup, à cet endroit-là, elle marchait bien, parce que... Bah, tu te demandes même comment ils ont laissé passer ça. Ah oui. Surtout, oui, tu vois. Oui. Mais j'arrive toujours à faire passer les trucs. Oui, c'est ça. Des trucs énormes. Bah oui. C'est énorme. Mais quand tu dis « on », c'est toi et ton équipe. Es-tu une équipe? Ah oui, quand je dis « on », ouais, c'est pas moi. Je parle pas de moi comme Alain Delon. Hein. Quand non, je dis « on », c'est « on a réussi, on a fait ci, on a fait ça ». Mais « on », c'est qui? L'assistante qui bosse pour les trucs, les mecs qui bossent avec moi. Oui, bien sûr. Je parle pas de moi à la troisième personne. Non, des fois, « on », Est-ce que c'est des gens que tu as choisis, sans doute parce Oui, oui, toujours, ouais, bien sûr. Bon, en fonction des compétences, en fonction des choses à faire. Mais À l'origine, toi, t'es investigateur du dessin ou si t'es l'investigateur du produit travaillé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, tu me dis, on une équipe, OK? Nous sommes une équipe, un peu comme Rodin, mais Rodin, il n'a pas fait grand-chose. Si tu regardes le penseur, les moules ont été faits par des gens, donc... Ah ben lui, il a fait Rodin, de toute façon, c'était un modeleur. Oui, exactement. Il faisait de la terre. Oui, après les moules pour les fonds, c'est fait par d'autres choses. Oui. Et même les sculptures en marbre, c'est des tailleurs de pierre ça, qui les taillaient ça, d'après lui. Les modèles. Ben non, mais ça, on s'en fout. Oui, ben... On s'en branle. Ah, oui, ben, ah ouais, RAB, rien à branler. On dit RAB ici. Oh oui, mais je comprends très bien, mais... Mais non, non, moi, si tu veux, le... Mais je peux, ouais, mais les artisans qui travaillent pour moi pour fabriquer plusieurs sculptures dans l'année, si je devais les faire moi avec mes petites mains, je mets un nom pour en faire une, tu vois, on ne comprend plus. Alors, mais alors, toi, c'est le concept... T'es obligé d'avoir, mais ça a toujours existé, hein, les ateliers avec des mecs qui bossent. Est-ce qu'ils sont bien payés? Oui. Est-ce que c'est toi qui décides du salaire ou s'il y a un salaire? Non, on fait un autre système. OK. Ouais. J'avais un copain qui commençait à bosser pour moi, etc. Finalement, il a monté une société, lui. Il me facture les trucs, etc. Enfin, c'était beaucoup plus simple, maintenant, tu vois. Il me facture les réalisations que je lui commande. Mais sur la pièce, est-ce que c'était indiqué la personne qui l'a... Ah, ben, qui l'a fabriqué? Non, ben non, c'est moi l'artiste. Pourquoi je veux-tu qu'on fasse ça? Son métier, c'est de bosser, hein. OK. OK. Et, OK, tu parles de... On va partir du fait que tu présentes un fusil, OK? Tu veux présenter un fusil dans... Reprends donc de la poutine parisienne. Oui, non, ça vient d'en voir. La poutine, au moins, le chef, c'est lui qui l'a fait, la poutine. On se comprend? Ici, je suis pas sûr, ouais. Ah non, mais chez nous? Bah oui. OK. Mais toi, si on te propose un fusil, toi, tu vas faire le dessin... Tu vas proposer le dessin à tes... Si on me propose un fusil? Non, si on te propose dans un projet. Oui. Ça dépend du lieu, ça dépend si c'est une galerie, ça dépend si on propose un truc en extérieur, ça dépend, je m'adapte aux choses, tu vois. J'essaie de détourner les endroits aussi, tu vois. Okay. C'est tout l'intérêt, c'est ça. Si tu fais toujours les mêmes conneries, que tu tiens pas en considération le lieu, etc., c'est un peu con, tu vois. Ouais. Le respect, c'est ça? Non, puis il y a des... Ouais, ouais, super. La plume? Parfait. Lui, il a pas trop aimé la poutine. Ah non, moi. Il a préféré à la québécoise, la poutine. Ouais, hein, avec le fromage poutine. Et la sauce brune. La poutine, oui. Bah, il est québécois, il préfère la poutine. Il n'aime pas les frites comme ça au naturel. Ah, mais si tu connais la poutine et le sourire, il... Ah, bah voilà. Et voilà. Voilà, bah lui, il n'est pas content, il n'a pas aimé la poutine. Le fromage couscous. Voilà. Le fromage comment? Couscous. Voilà. Ça s'appelle du couscous? Non, c'est parce que lorsque tu le manges et qu'il est frais, ça fait du couscous. Quand tu manges, avec couscous? Oui. Oui, exact. C'est pas vrai. À la québécoise. Mais qu'est-ce que c'est que ce fromage? Ben, c'est... Nous, on appelle ça amoureusement du fromage en grain. Ou... Ouais, le fromage en grain. Oui, mais ben oui. Ou le langage courant dit du fromage en crotte. Parce que c'est des petits morceaux. Comme des crottes de chèvre. Oui, oui, entre autres. Mais du fromage il en est blanc? Grain. Oui, blanc. Oui. Mais là, on va laisser la poutine pour... Oui, parce que sinon, ouais, parce que... En plus, là-bas, au Québec, ils connaissent la poutine, ils en ont rien à foutre, surtout. Ils en ont rien à glander. J'imagine bien, si vous êtes en train de me dire ça aussi, rassure-toi. Mais ils doivent manger actuellement leur poutine oui, c'est ça. Donc, exemple, c'est ça, on te propose quelque chose ou si c'est toi qui arrive... Non, par exemple, tu vois la grande couronne de barbelé que tu as déjà vue en photo, je pense, oui, comme oui, ça. Oui. C'était la Nuit Blanche, 2006 à Paris. Oui. Les gens de la Nuit Blanche m'ont proposé ce lieu qui est l'église Saint-Eustache, ouais. Qui est la plus grande église de Paris. Mmh. Deux verres de rosé, s'il vous plaît. L'église Saint-Eustache étant la plus grande église de Paris, c'est un endroit, bon en plus c'est pas un endroit neutre, c'est une église, donc qu'est-ce que tu veux faire. J'avais pas envie de mettre des flingues bêtement, etc. Toi, dans fonction du lieu, tu t'adaptes et c'est là, l'idée de la grande couronne de fil barbelé qui s'appelle Heaven. En anglais, hein, tu m'excuseras. Oui. Non, mais écoute, il n'y a pas de traduction. C'est toujours parce que l'anglais, ça va bien pour les mots un peu rock'n'roll et tout ça. Ça, on le culture, sait. Voilà, voilà. Et puis, Heaven, ça veut dire donc le paradis. Et le paradis, apparemment, c'est un cercle en barbelé dans lequel on a du mal à pénétrer. Okay. Voilà, tu vois, il faut faire des efforts ou il faut se faire mal pour entrer dedans. Mm-hmm. Donc, en même temps, si tu veux, c'est passé assez facilement parce que les prêtres ont vu ça comme la couronne du Christ. Oui. Alors que c'est pas du tout ça, mais forcément on y pense. Donc voilà. Est-ce que tu y avais pensé avant? Mais bien sûr, okay. Ben, quand même. J'ai tout détourné. Alors t'es un provocateur. Un peu quand même, hein. Volontairement ou involontairement? Ah bien sûr. Volontairement. Volontairement et naturellement. Ok. Les deux. Ok. Et là, lorsqu'on il faut que je fasse attention à la nuit, à ne pas provoquer trop d'ailleurs. Oui, comme disait Alain Bachaume, la nuit seulement. Donc, voilà, à travers la plaine. J'en prends plein la tête après la nuit. Oui, c'est bon. Mais Donc, tu savais que tout ça allait provoquer quelque chose, mais tu l'as fait quand même. Ah bah écoute, il y a eu 100 000 spectateurs qui sont passés pendant la nuit, les gens s'appelaient pour venir voir, ils pleuraient, parce qu'il y avait le plus grand orgue de France dans cette église en plus, donc il y a des concerts en même temps, non. C'était magique, et les gens pleuraient. Ouais. C'était touchant d'émotion, tout ça. Et toi, t'étais tout près? Ah ben, je restais par là, je regardais les gens, bien sûr. Okay. Ouais. Mais moi, j'étais derrière et je buvais de l'alcool. OK, ben oui, le travail était fait, donc on va... Voilà, voilà. Et tu as eu la rencontre aussi, on saute comme ça du coq à l'âne, tu as rencontré César. Ah, César, c'était un vieux copain. César, c'était un bon copain, bien sûr. Comment parce tu l'as rencontré? Parce que je l'ai rencontré déjà, alors je sais même pas, je saurais même pas te dire de quand ça date, c'est de... Je sais même plus. C'est tellement loin, il y a tellement de possibilités que je me rappelle plus. Au début? Je ne sais plus. Okay. On a travaillé, j'ai travaillé avec la Galerie Beaubourg, les Nahons à l'époque, qui représentaient César. Mmh. Mais j'étais genre le dernier, un peu le petit jeune qui est rentré avec eux, ils n'existent plus. Okay. Et c'était en 90. Okay. César était là, donc déjà, mais on se connaissait déjà. Et j'habitais à Nice aussi, il a habité à Nice longtemps, tu vois, donc nos parcours se sont croisés beaucoup tout le temps, c'était vraiment un copain. Thank you.